La vie meurtrière, chapitre 1er. Je n'ai, bien entendu, de ma naissance et des circonstances qui l'accompagnèrent, aucun souvenir. Et ma mémoire n'a rien gardé des phases d'un événement qui dut se passer sans gloire, et, comme on pense, dans la plus stricte intimité. Le seul témoin qui me resta de cette époque fut une photographie de mes parents, représentés tous deux en costume suranné, la main dans la main, avec, aux yeux, un regard naïf de bonheur engorgé. Elle avait été faite, en signe d'orgueil, peu de jours après ma venue, et le cliché en était détruit. Je l'avais moi-même décroché du mur paternel, déjà jauni, et je lui vouais un respect et des soins tout particuliers. Qu'est-elle devenue? Je l'aimais sans doute avec exagération, car je l'ai si bien cachée un jour que jamais plus je ne l'ai retrouvée. De ma toute première enfance, je ne sus rien que par des oui-dire. Ma mère prétendait que j'étais beau, et mon père que j'étais intelligent. J'étais, au dire de chacun, le portrait vivant de l'autre, et même une certaine tante Florence, dont la forme rabougrie et le masque jaune me reviennent parfois, affirmait non seulement que je ressemblais à tous les deux, mais encore à mon grand-père Aubert, qu'elle avait connu dans sa jeunesse, et, de plus, à sa propre sœur à elle, une vieille fille un peu simple, qui n'avait vraiment rien à voir dans cette affaire. Bref, je ressemblais à tout le monde. J'espère pour le monde n'avoir pas continué. Seule l'histoire de ma diphtérie plane sur ce petit passé vieillot et lui donne quelque relief. Comment l'attrapai-je, on ne le sut jamais, malgré d'innombrables discussions auxquelles la parenté tout entière se mêla. En tout cas, ce dut être affreux, car lorsque ma mère, rappelant quelques faits d'autrefois, disait « C'était pendant la maladie de Jacques », tous devenaient graves et personne ne parlait plus. Enfin, bien que le sérum guérisseur ne fût pas inventé, je m'en tirai. Le nom du médecin qui fit le miracle fut révéré par les miens à l'égal des plus grands, mais je serai bien en peine de le dire. Hormis ma maladie, rien ne m'est donc parvenu de ces temps primitifs. Je dus être un bébé comme tous les autres, faire ce qu'ils font, pleurer, crier, salir mon linge. Pas plus qu'un autre, je n'évitais la rougeole, et les dents me poussèrent dans les mêmes délais. Il faut en venir aux environs de mes 5 ans pour qu'une image vraiment réfléchie m'apparaisse. C'était un soir. Assis près de ma mère, je découpais des images que je collais ensuite dans un cahier. Non sans dommage pour mes doigts, lorsque survint mon père qui dit ces mots « La guerre est déclarée ». Je devinai qu'il s'agissait d'une chose considérable. Nous étions sous la lampe et, dans le cercle de lumière tracé par l'abat-jour, je ne voyais à hauteur des yeux que le gilet de mon père, barré par sa chaîne en or. De ma mère, les seules mains apparaissaient dans la lumière, agiles sur un tricot blanc. Elles s'interrompirent soudain et j'entendis une voix toute changée. « Est-ce possible ? Oh mon Dieu !» et d'autres choses dont je ne me souviens plus. D'ailleurs, il était l'heure, et on me coucha. Puis des semaines passèrent. Au tricotage avait succédé un travail dont je ne saisissais pas l'opportunité, mais qui m'amusait. Ma mère, comme tant d'autres, faisait de la charpie. Je voulus l'aider. Elle me confia un morceau de linge et je m'escrimai de mon mieux à tirer les fils. Dès lors, chaque entrée de mon père fut accueillie par un « Eh bien !» de jour en jour plus douloureux. Mes parents parlaient à voix basse, afin de ne pas impressionner le petit, et je n'entendais que le son amorti de leurs paroles, coupé de « Quelle horreur !» de « Pauvres gens !» parfois de sanglots. Puis l'un retournait aux nouvelles, l'autre à sa tâche, et moi à rien ou à quelque chose d'équivalent. Vers la fin de l'hiver, une grande agitation se manifesta dans le pays. Des bruits alarmants se précisaient. On parlait d'une armée battue, poursuivie et traquée par les Prussiens, finalement obligée de passer la frontière en déposant ses armes. Je n'y comprenais pas grand-chose, et mon jeune esprit n'était pas de taille à donner forme à des propos aussi extraordinaires. Mais ces allées et venues perpétuelles d'amis venant voir ma famille, ces causeries interminables roulant sur le même sujet, une atmosphère toujours chargée d'inquiétude, enfin, et de toutes parts, des préparatifs singuliers, la ville en remue-ménage, les bourgeois sur leurs portes et des soldats partout me mettaient en ébullition. Tout cela demeure bien confus, et je fais effort pour préciser des souvenirs à ce point endormis, mais de ces événements date l'aurore de ma sensibilité et je me dois d'en donner acte. Pareil à tous les enfants, la curiosité chez moi primait le reste, et si le sens profond des choses et leur raison m'échappaient ou restaient vagues, les faits alors marquaient. Il s'en produisit de tels, étant et si palpables, que j'aurais du mal à vouloir les suivre et les énumérer. Un beau jour, vers les 4 heures de l'après-midi, le tambour annonça que le soir même, un fort détachement de troupes internées arriverait en ville et serait logé chez l'habitant. « On va voir des soldats de la guerre ? » disais-je à ma mère. « Des vrais ?» Mais elle avait mieux à faire que de répondre. Déjà la maison était en branle-bas, la bonne affolée transportant d'un étage à l'autre paillasses et matelas, cependant que mon père, en bras de chemise, démontait des lits. Il faisait nuit quand la colonne fit son entrée sur la place. J'étais tremblant d'émotion, et lorsque du fond d'ombre où grouillait un piétinement mou, surgirent les premières figures, toutes jaunes dans l'éclat du gaz, j'eus peur et me collai aux jambes paternelles. Mais aussi, quel spectacle! Je les vois encore, haillonneux, mornes, aplatis, brutalement éclairés pendant une seconde inoubliable et rentrant aussitôt dans le noir où se hâtait leur panique. J'entends le bruit de leurs pas pressés et peureux et le brouhaha de plaintes et de jurons d'où fusaient parfois de si pauvres plaisanteries. Sans ordre, par paquets ou à la débandade, il en passait, mêlé, confondu, interminablement. Une puanteur les environnait. Plusieurs avaient des vêtements civils et mordaient à même des miches de pain. Certains portaient un camarade sur leur dos. Aucun n'avait d'uniforme reconnaissable. Beaucoup étaient blessés. Tous étaient hâves, barbus et crasseux. Au jour, ce fut pis encore. Il en arrivait à toute heure, et le flot ne cessait plus. Des petits moblots, exsangues, blottis dans des peaux de mouton, des cavaliers à pied, des fantassins, juchés à deux sur de misérables chevaux à la queue rongée, aux flancs vidés, des turcos ambrés de toile que la dysenterie leur collait aux cuisses, des nègres, des volontaires de toute langue et de tout poil, des aventuriers, des bandits, des femmes, et jusqu'à des prisonniers allemands qui traînaient leurs loques dans cette déroute. Quelques officiers suivaient la cohue, mais la plupart arrivaient en voiture, trop élégants et parlant haut. J'étais partout, dans le petit rayon que m'accordait la tolérance paternelle, et mon jeune cerveau s'imprima là de scènes d'horreur. Je vis un malheureux, amputé des deux jambes, ballotté dans une hotte sur les épaules d'un ami. Je vis panser et débrider des plaies. J'entendis craquer des os. Je vis du sang, de l'ordure et du pu couler à filets le long du trottoir. Chez nous, tous se multipliaient. On faisait la soupe dans une chaudière. Et plusieurs fois, j'accompagnais la bonne, portant des arrosoirs de vin chaud dans les églises où campaient les bataillons. Le linge de la maison partit dès le premier jour. Mon père n'avait plus ni vêtements ni chaussures. On découpa des couvertures de lit pour faire des bandes, et des hommes couchèrent, enveloppés dans nos beaux tapis, sur le parquet du salon. Pour que je pusse aussi me rendre utile, mon père m'avait confié une boîte pleine de sucreries et de réglisses. Je la portais pendue au cou par une ficelle, et lorsque la bonne criait « Qui est-ce qui tousse ?» des voix sans timbre râlaient « Moi, moi !» dans tous les coins, si bien que je me sauvais avec ma marchandise épouvantée. Ce cauchemar dura des semaines, après quoi le beau temps vint. Au soleil d'avril, ces images de meurtre mollirent, et peu à peu s'atténuèrent jusqu'à me devenir indifférente. Les pantalons rouges ne me firent plus peur, et je n'eus bientôt pas de meilleur ami qu'un grand diable de zouave, recueilli par mon père, et qui nous servit jusqu'à l'été. Ensuite, de longues années durent s'écouler, ce que rien ne date. Je grandis dans l'affection des miens, normalement, et sans qu'aucun présage permît de me distinguer des autres enfants. « Tu étais bien gentil quand tu étais petit, » disait ma mère. « J'étais bien gentil. » Et voilà tout. Nous habitions une maison fort ancienne, située dans le quartier bas de la ville. On y accédait par une sorte de voûte sombre qui se fermait, le soir, au moyen d'une énorme porte bardée de fer et dont le fracas me faisait sursauter dans mon lit. Nous en occupions deux étages. Le troisième et dernier étant loué par un graveur de lettres nommé Hubertin, sa femme et sa belle-sœur. Ces braves gens m'avaient prise en amitié et m'attiraient chez eux. Je ne me faisais pas prier. L'établi du graveur, la boule de verre remplie d'eau colorée et les outils rangés le long du mur me remplissaient d'admiration. Je restais parfois des heures à suivre la main conduisant le burin dans le cuivre, et, de temps à autre, lorsqu'il s'interrompait, Hubertin, se tournant vers moi, disait de sa bonne grosse voix « Tu voudrais bien être graveur, pas vrai, Jacques ?»« Oh oui, » répondais-je. « Alors dépêche-toi de grandir, et je t'apprendrai. » Nos fenêtres donnaient en grande partie sur une petite place raboteuse, ornée en son milieu d'une fontaine croulante de vétusté et d'un kiosque où, l'été, un vieil homme vendait des fruits et, l'hiver, des marrons. De là, je voyais se répéter les actes toujours pareils des boutiquiers et des voisins. J'y passais bien des heures, assise à lire ou à ne rien faire. Quant à la ville, assez montueuse à l'origine, elle avait, en se développant, conquis les coteaux d'alentour, dévalé le long des pentes et gagné la plaine. Elle y ruisselait de toutes parts, et ses dernières maisons, celles qui confinaient à la campagne, semblaient dans le vert des prés d'innombrables éclaboussures d'écume. Au nord, elles atteignaient presque la grande forêt du Verdon. Au sud, elles s'arrêtaient à la Mouline, tassées les unes sur les autres devant cet obstacle, comme pour y prendre leur élan. Quelques-unes l'avaient franchi, deux ou trois cahutes de mauvaise renommée, du côté desquelles les gens bien n'aimaient pas à être vus. À l'est et à l'ouest, où leur course était plus facile, elles s'en allaient à l'aventure, un peu canalisée cependant par la grande route de Bol à Hermeux qui emmenait bon nombre presque aux confins de ces villages. Par-delà les bois du Verdon, on apercevait le cône bleuâtre de la Drèche, et sur la droite, dans un court fléchissement de l'horizon, un tout petit morceau de la Dent Noire qui, le matin, luisait au soleil. De l'autre côté de la Mouline, l'horizon, par contre, s'élevait brusquement, comme un mur. Une petite côte pelée, galeuse et pleine de tessons, du matin au soir remplie de claquements de fouets et d'injures. Toutes les déjections de la ville affluaient là, en tas où les gueux fouillaient, le soir, avec des crochets. Quatre tombereaux rangés en bataille se silhouettaient à son faîte. Pour voir plus loin, il fallait grimper là-haut. Je le faisais souvent. On découvrait alors un amas de champs, de forêts et de villages, s'étageant jusqu'au pied de l'immense et morne Jura, dont la découpure barrait le ciel tellement que, pour l'embrasser en son entier, il fallait faire un tour sur soi-même. Des routes éblouissantes de blancheur s'entrecroisaient partout. Très loin, vers l'extrême sud, le lac étendait sa nappe vaporeuse, soudain nette et couleur d'ardoise, lorsque soufflait le vent d'ouest. Dans ce cadre s'écoulèrent mes premières années. J'en parcourus tout ce qui était accessible à des jambes inlassables. Avec mes parents, d'abord, le dimanche, promenade revêche où je devais courir sans cesse pour rattraper les miens, seul, plus tard, alors que j'usais ma fièvre dans les halliers et sur les routes de l'aube à la nuit. J'avais un petit camarade, fils d'un faïencier du voisinage nommé Vincent. Nous étions du même âge et passions ensemble le meilleur de nos journées. À quoi faire, je me le demande, mais ce qui reste clair dans mon esprit, c'est une certaine après-midi de juin. je nous vois encore, lui marchant sur le petit mur qui bordait la mouline et moi derrière. Ignorant ma présence, il s'en allait sifflant, les mains dans les poches, quand soudain mon ombre, que le soleil couchant poussait de son côté, l'atteignait. Comme il se retournait pour voir, son pied glissa. Il fit un effort pour se rattraper, n'y parvint pas, et tomba la tête la première. L'eau était basse malheureusement. Son front porta sur un des rochers qui servait de soubassement au mur, et, 2 minutes plus tard, on le tirait de là évanoui, et le crâne fendu. Longtemps il délira, mais des soins entendus le sauvèrent. J'allais le voir chaque jour, mais quelle ne fut pas ma stupeur, la première fois qu'il put parler, de l'entendre m'accuser de l'avoir poussé, moi. « Tu m'as poussé, oui, tu m'as poussé, et volontairement !» Et comme je m'indignais, « Ne nie pas, c'est inutile, puisque j'ai senti ta main, là !» J'eus beau protester, l'adjurer, rien n'y fit. La légende s'accrédita. Je fus et restai celui qui avait poussé le petit Vincent dans la rivière. Ses parents même, qui jusqu'alors m'avaient choyé à l'égal de leur fils, ne m'invitèrent plus que de loin en loin, pour finalement ne plus m'inviter du tout. Quant à lui, il guérit, mais l'ébranlement causé par la chute arrêta son développement et lui oblitéra l'intelligence. Nous nous perdîmes tôt de vue. J'appris plus tard qu'il était mort à 24 ans, alcoolique et misérable. À cette heure, après tant d'années et malgré de plus lourds remords, je ne puis sans trembler songer à cette scène. « J'ai senti ta main, là !» disait-il, et ses yeux véhéments témoignaient d'une irréfutable certitude. Jamais je ne parvins à comprendre les raisons qui avaient pu l'amener à émettre une aussi monstrueuse affirmation. J'en fus longtemps troublé, puis les jours s'écoulèrent et j'oubliai. La vie n'était-elle pas là? Sur ces entrefaites, on me mit au collège. J'y vécus sans que ma présence ajoutât à la classe d'autres éléments qu'un nom. Je n'ai, durant les 7 années que je végétais dans ce lieu néfaste, conquis ni un ami, ni un savoir véritable, et je n'y pense qu'avec déplaisir. Les professeurs s'accordaient à me reconnaître des moyens, mais le difficile était de les préciser. Pour l'un, j'étais intelligent, compréhensif et paresseux. Pour l'autre, mon intelligence ne saillait pas, ou peu, mais j'avais en revanche des trésors d'application et de volonté. Autant qu'il me semble, j'étais un garçon plutôt agréable et même gai, qui ne manifesta d'aptitude particulière pour rien, sinon l'histoire et la géographie. Dans les autres branches, je n'obtins jamais que des notes moyennes, sans d'ailleurs que j'en souffrisse aucunement. Mais à quoi bon s'attarder au souvenir de ces temps moroses? D'interminables séances, perdues à entendre annoncer des professeurs irascibles, des après-midi d'été, lourdes, pleines de mouches et de torpeurs, d'autres, en hiver, sous le gaz, la classe entière sommeillant dans la pestilence des latrines et du charbon. Les seules minutes heureuses étaient celles de liberté. Oh, les cris d'apache à chaque sortie, et quelle joie forcenée a dilaté ses poumons dans le grand air. De tous mes camarades, le seul avec lequel je me liais particulièrement fut un petit niçois, fils d'une veuve qui habitait la ville haute et s'appelait Musso. Nous avions des sympathies et des goûts communs. Je revois encore, grâce à lui, hors l'épaisse monotonie de 7 ans, quelques journées délicieuses et dont la fraîcheur me durerait si... Promenades en forêt, où nous faisions la guerre à la façon des Peaux-Rouges. Chasses aux moineaux, pêches aux écrevisses, escalade des rochers de grands lieux qui me coûtèrent tant de fonds de culotte que tout cela est loin. Un matin, retirant son courrier de la boîte aux lettres, mon père y trouva une enveloppe à l'adresse d'Hubertin et glissait là par erreur. Il m'envoya la remettre au destinataire. C'était une fête pour moi d'aller chez le graveur, et j'en guettais les occasions. Je trouvai la porte de l'appartement ouverte. Il n'y avait personne dans le vestibule, et seul le balancier de la grande horloge et son geste lent lui donnaient apparence de vie. Par la baie entr'ouverte du fond, je vis l'atelier manger de soleil, et, courbé sur sa tâche, le masque barbu d'Hubertin. Je fus une fois de plus frappé du contraste qu'offraient ses traits rudes, sa taille et ses mains puissantes, avec la minutie de son travail. Il me semble encore le voir, trapu, massif, l'outil menu bougeant à peine entre ses doigts. De temps à autre, il soufflait sur les esquilles de métal soulevées par le burin, passait sa manche sur le cuivre et reprenait son trait, le sourcil tout gonflé d'attention. Je résolus de le surprendre, et, retenant mon souffle, j'entrai sur la pointe des pieds. Lui, tout à sa tâche, ne voyait rien. Il sifflotait du bout des lèvres, en s'interrompant parfois aux endroits difficiles. En 3 pas, je fus à sa portée. Alors, brusquement, de toute la violence de mes poumons, je lui criai dans l'oreille « Le facteur !» Et, comme je m'étais un peu reculé pour jouir de l'effet, je le vis se dresser tout debout, cependant que de sa gorge s'échappait un cri terrible. Puis il se retourna. J'entrevis une seconde la boule de ses yeux désorbités et les traits tordus de sa face. De ses 2 mains, il battit l'air et s'écroula sur le plancher. Je demeurai pétrifié, tandis qu'à ma lèvre le rire prévu se changeait en grimace d'épouvante. Puis j'osai regarder et je compris. Dans son pouce gauche, sous l'ongle, le burin disparaissait à demi, fiché dans l'os. À mon tour, je criai, mais je crois bien que la voix ne sortit pas. Ensuite, je me précipitai dehors, appelant au secours. On vint de toutes parts. Hubertin, raide dans sa blouse noire, ne bronchait pas. Il avait la peau couleur de cire, les yeux grands ouverts, avec, aux lèvres, un imperceptible tremblement. En vain sa femme se multiplia, lui fit respirer des sels et lui baigna les tempes d'eau vinaigrée. Rien n'y fit. Il demeurait inerte, mais l'œil immense continuait à vivre et me fixait. Affolée, je courus me cacher chez les miens. Là, je dus préciser tous les détails. Par prudence, je les décrivis à ma façon. Je racontai qu'au moment où je déposai la lettre sur la table et qu'Hubertin, à demi tourné, me remerciait, il avait soudain poussé un grand cri et presque aussitôt était tombé comme une masse. La chose n'ayant pas eu de témoin, rien n'autorisait à douter de ma parole. On me crut donc, et ma mère, me voyant tout pâle, me prodigua ses soins. Le soir, nous apprîmes que le docteur, bien qu'ayant retiré l'outil de la blessure, manifestait des inquiétudes. Hubertin n'avait pas repris connaissance, et toute la nuit, sa fenêtre fut éclairée. Le lendemain, même état, plutôt pire. Il avait, paraît-il, prononcé quelques mots incohérents, parmi lesquels revenait mon nom. Je ne vivais plus. Ensuite, des accidents tétaniques se produisirent. Sans doute quelques parcelles de cuivre avaient-elles pénétré dans l'os. Puis la gangrène vint. On essaya de lutter. Il fallut couper le doigt. Trop tard, le bras était atteint. Une deuxième opération ne fit qu'aggraver les choses. Le mal empira. Le malheureux Hubertin fut condamné. 5 jours encore, il hurla de douleur, en continuant à m'appeler dans son délire, et mourut le samedi d'après, sur la fin du jour. Mon chagrin fut immense, et je ne le cachai point, mais j'étais bien trop jeune, j'avais 10 ans à peine, pour que l'horrible chose me pût pénétrer, comme elle le fit depuis. Je sentais bien et je me reprochais le rôle que j'avais eu dans ce drame, mais je me consolais d'enfantine raison. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. Hélas, je ne l'ai jamais fait exprès. Ensuite, les semaines passèrent, puis les mois et l'empreinte s'effaça. La veuve elle-même, après un deuil intransigeant, finit par taire ses soupirs. Un beau jour, elle risqua un peu de mauve à son chapeau, et, timidement, avec la saison nouvelle, se reprit à vouloir vivre. Bientôt, ses chansons recommencèrent à accompagner le ronron de la machine à coudre, et l'année n'était pas écoulée qu'on ne pouvait entrer chez elle sans y croiser sur la porte un grand monsieur blond qui arrivait toujours, à moins qu'il ne sortît. Je n'étais pas plus héroïque qu'elle, et, bien que d'un ordre différent, les sollicitations ne me manquaient pas. J'y cédais. J'adorais la campagne, je ne sais si je l'ai dit. Aucune distance ne me rebutait. Qu'il plût ou ventât, j'étais infatigable. Et, le soir, m'étais une sorte d'orgueil à rentrer au logis, poussiéreux et traînant des lambeaux de semelle. Outre le petit Musso, mon compagnon ordinaire, j'avais pour camarade Antoine Vidal, un être un peu pâlot, blond, et qui avait des langueurs. Lui marchait par hygiène et sur ordonnance. Il n'en marchait d'ailleurs pas plus mal et tenait vaillamment sa partie, mais nos propos ne l'amusaient pas. Il avait par contre des aspirations littéraires, vagues d'abord, mais qui, dès la 4e, se précisèrent en un poème bâti suivant les bons modèles. Nous en subîmes fréquemment la lecture, et M. Sully Prudhomme, à qui il en avait fait tenir copie, négligea toujours de donner un avis pourtant bien escompté. Je sus plus tard qu'à ce poème succédèrent nombre d'autres, et plus longs. Il se résolut étant sans moyens, a brillé sur la foi des annonces un poste de précepteur qu'il obtint. Nous étions séparés depuis longtemps quand il mourut phtisique en Silésie. Nous partions généralement au matin, sur les 9 heures, les poches bourrées de chocolat, avec, dans un coin, quelques sous pour les imprévus. Musso prenait une gourde remplie de café noir, et chacun avait de la ficelle et son couteau. Nous escaladions d'une traite la rampe du Mollard, et ne soufflions qu'arrivés au sommet, à la petite esplanade circulaire d'où bifurquaient les 2 grandes routes. À droite, celle qui par Vuidou s'en allait sur Sailles et Hermeux, à gauche, celle de Verne. Nous remontions cette dernière jusqu'à l'orée de la forêt du Verdon pour la quitter dès le premier arbre, heureux de galoper sous bois, librement. Alors commençaient les opérations de guerre. Moi, j'étais toujours le sauvage, c'était acquis. Les 2 autres me donnaient la chasse, Musso avec frénésie, Vidal plus mollement, par acquis de conscience, et pour ne pas enfreindre les ordres de sa mère, une toute petite personne desséchée que nous aimions tous. La poursuite durait parfois des heures, car nous faisions les choses au naturel, moi surtout, qui, en ma qualité de sauvage, usais de tous les stratagèmes. J'avais l'art de me confondre avec le terrain. Je me déguisais en buisson, en rocher. Je mouillais mon doigt pour saisir d'où venait le vent, afin de mieux sceller mes fumées, et j'écoutais à même le sol, l'oreille dans le terreau, pour percevoir l'ennemi de plus loin. Un jour, l'ennemi, Musso en l'espèce, me cueillit dans cette posture et me fit prisonnier, ce dont je fus mortifié grandement. Pas un coin de l'antique forêt qui ne nous fût connu. Nous poussions à fond, sans souci des ronces ni de l'heure. On finissait toujours par trouver une ferme, où, moyennant quelques centimes, on nous servait sur le pouce un bol de lait, un quignon de pain et du fromage. On repartait la bouche pleine, et ça durait jusqu'à la nuit. Un soir, je revins avec une entorse, et je fis 5 kilomètres à cloche-pied. Je faillis m'évanouir, mais je portais beau, et, tout éclopé que je fusse, j'avais entre mes 2 copains la belle allure du vainqueur. L'hiver, les choses se passaient de façon identique, à cela près que Vidal, trop frileux, n'en était pas, mais l'épaisseur de la neige nous interdisant parfois la forêt, il fallait y suppléer. Les jours de beau froid sec, nous nous lugions, et, pour ce faire, avions le courage de grimper, attelés comme des mules à nos luges, jusqu'à Villy, gros village situé à 400 mètres au-dessus de la ville. De là, juchés sur ces mécaniques, nous dévalions la pente en manière de projectile. Chaque année se soldait dans le pays par quelques jambes, bras ou têtes cassées. Mais ni Musso ni moi n'atteignîmes jamais à cet honneur. Lorsque le temps était par trop mauvais, nous organisions quelques parties à domicile, et les choses n'en tournaient pas plus mal. Fils unique comme moi, Musso habitait à 2 pas de la cathédrale une maison extraordinaire. J'imagine qu'elle faisait autrefois partie de quelque dépendance ecclésiastique. Quelle étrange bâtisse, pleine de hauts et de bas, de trous noirs et de recoins où le pied butait, mais qui fournissait de si merveilleuses cachettes. L'aspect extérieur, hormis les fenêtres soulignées d'entrelacs sculptés, n'avait rien de très caractéristique, tant le pic et le badigeon des restaurateurs s'y étaient évertués. On entrait par une grande porte dont l'ogive montrait encore à son cintre un reste d'écusson. Mais un propriétaire parcimonieux l'avait bouché aux trois quarts. Ne laissant subsister à l'usage des locataires qu'un trou misérable et bas, fermé à la nuit tombante par un ventail de sapins. Franchi le seuil, on manquait au premier pas de s'étaler sur une marche. Par bonheur, la main trouvait bientôt une rampe et s'y cramponnait. De la suivre conduisait à l'étage, et là un filet de jour tombant d'une imposte permettait de s'y reconnaître. L'appartement qu'occupait Musso, avec sa mère, comprenait quatre ou cinq pièces assez spacieuses et séparées l'une de l'autre par des murs de forteresse. On n'y voyait guère, toutes prenant jour sur une sorte de galerie couverte à massifs piliers de bois et d'où, par contre, la vue était admirable, tant sur les bas-quartiers, dont les ruelles s'enchevêtraient 30 mètres au-dessous, que, plus loin, sur les pentes herbeuses qui conduisaient à la forêt du Verdon. On y voyait aussi dans son plein la dent noire et son prolongement, l'échine arrondie et neigeuse de la Lys. Dans ce milieu pittoresque, les éléments d'intérêt ne se comptaient plus, surtout pour nous, gamins de 15 ans à la cervelle pétrie de lectures héroïques et moyenâgeuses, et, pour y ajouter encore, Monsieur Musso, dont la veuve gardait la mémoire avec une dignité recueillie, avait laissé des souvenirs. Ses sabres d'abord, il avait pris part aux guerres d'Algérie. Ses épaulettes, un képi plein de mites, deux pistolets, une paire d'éperons et quelques loques arabes sans valeur, mais dont les plois faisaient flamboyer à nos yeux l'Afrique tout entière. Ne pouvant dans un cadre aussi réduit nous livrer à la chasse à l'homme, nous nous fatiguions à des jeux plus strictement militaires, rééditant assauts, tournois et passes d'armes. Madame Musso, à la fois inquiète et souriante, y présidait du haut de son tricot. Chez moi, les distractions revêtaient un tour moins belliqueux. Mon père tenait commerce de droguerie et couleurs, et sa boutique donnait sur la place par trois vitrines, contenant chacune les produits les plus susceptibles de tirer l'œil. Dans la première, deux grands bocaux, pleins, l'un de sulfate de cuivre, l'autre de sulfate de fer, et reliés par un chapelet de bouchons artistement enfilés. Au-dessous, un bloc de camphre sur un lit de peau de chamois. À gauche de ce camphre, un caisson de boules de naphtaline. À droite, 6 paquets d'une lessive incomparable. Dans la deuxième, la plus belle, 12 tubes de verre, alignés en bataille sur une tablette et remplis à plein bord de couleurs dont le nom seul me rendait fier. Il y avait, dans l'ordre, jaune de chrome clair, jaune de chrome foncé, cadmium, bleu de cobalt, bleu d'outre-mer, bleu de Prusse, vert Milori, vert anglais, garance rose, cinabre d'Autriche, rouge d'Andrinople et carmin fin. Ce dernier, vu son prix, était, les jours de soleil, préservée par un journal que, par faveur, je disposais moi-même. Dans la troisième, les produits ménagers, poudre à polir, cirage, soude, mine de plomb, etc. Un deuxième corps de bâtiment situé sur le derrière, un peu en contrebas, se reliait à la boutique par une sorte de couloir passage qui nous servit souvent de champ de tir. Il recélait les réserves, grandes pièces carrelées où s'amoncelaient des marchandises de tout ordre. Nous faisions de ce lieu le centre principal de nos opérations. Peut-être un père avisé eût-il interdit de tels exercices. Cela eût évité de fâcheuses histoires. Celle, par exemple, de Vidal, passé au violet pourpre pour avoir chu dans un tonneau d'orseil, ou la mienne à moi, qui fut 3 jours au lit d'une indigestion de manne en larmes. Mais c'était là de petits malheurs et dont on riait. Eût-on évité la chose terrible? Un jour que nous procédions tous deux à des fouilles dans ce Capharnaüm, Musso, avisant un tonneau plein de poudre verte, me demanda de lui en donner un peu, juste de quoi repeindre une cage qu'il avait et dans quoi s'étiolait un épervier. D'une telle masse, quelques pincées ne se reconnaîtraient pas. Aussi lui remplis-je une petite boîte en fer blanc qu'il mit dans sa poche, bourrée, comme on pense, d'un nombre fabuleux d'autres objets. Au bout d'un instant, Musso, tirant son mouchoir, s'aperçut que de la boîte, insuffisamment fermée sans doute, un peu de couleur s'était répandue, saupoudrant le tout. Il voulut remettre les choses en l'état, mais pressé par je ne sais quelle sotte idée, je l'en dissuadai, affirmant que cela n'avait aucune espèce d'importance et qu'il ferait tout aussi bien ce nettoyage une fois chez lui. « Si c'était du poison, me dit-il. « Es-tu fou ? Répondis-je. « Papa a enfermé les poisons. « D'ailleurs, ajoutai-je, par une sorte de jactance que j'affectais volontiers quand je parlais du commerce paternel, « je m'y connais, tu le sais bien. » Musso n'insista plus. Le lendemain, en classe, je fus fort étonné de le voir faire à plusieurs reprises au professeur ce geste symbolique qui, dans tous les collèges, exprime le désir de s'absenter un instant. Comme il semblait abusé, on lui demanda des explications. Vu ses réponses et son air, on le renvoya chez lui. L'après-midi, il ne parut pas, le lendemain non plus. J'étais surpris, vaguement inquiet même. Le retour à la maison devait, et au-delà, justifier mes appréhensions. Je trouvai ma mère assise en tête-à-tête avec le docteur Paulin, vieil ami de la famille, et dès l'entrée, je devinai qu'il s'agissait de Musso. On ne me laissa pas le temps de réfléchir, et je n'avais pas retiré ma casquette que ma mère furibonde me clouait au seuil. « Alors il paraît que tu as empoisonné le petit Musso. »« Musso ? Il est peut-être même déjà mort, assassin. »« Musso ? Ah, fais bien l'étonner, va. » »« Étonné, c'est trop peu dire. J'étais abasourdi, tué. »« Vas-tu parler, oui ou non ? Mais réponds au moins, monstre. » »« Ah, tu en fais de belles, » dit à son tour le docteur. « T'expliqueras-tu à la fin ?» cria ma mère, qui se précipitait la main haute. Heureusement, le docteur s'interposa. « Allons, gamin, comment ça s'est-il passé ?»« Quoi ? Tu Tu as donné du poison à ton ami? Jamais! Tu ne lui as pas donné de la couleur verte dans une boîte? La couleur verte? Ah bon? Eh oui, parbleu, je lui en ai donné pour repeindre sa cage. Et puis après? Tu prends sans permission, tu voles tes parents! Clamait ma mère. Voleur et assassin! Mon fils est voleur et assassin! Voyons, ma bonne dame, fit le docteur, calmez-vous, ou nous ne nous y retrouverons jamais. Et, revenant à moi, écoute, petit, tu as donné à ton ami de la couleur verte dans une boîte? Oui. Eh bien, un peu de cette couleur verte, qui est un poison violent, a dû glisser dans le fond de sa poche, et comme dans sa poche ton ami trimballait du pain, du chocolat, un mouchoir, que sais-je, moi, ton ami s'est empoisonné. Quelque chose d'effroyable m'apparut. Toutefois, j'écartai l'image et voulus lutter. Je ne lui ai pas donné la couleur pour qu'il la mange. Vraiment, c'était pour sa cage. Quand tu me l'auras répété 10 fois. Mais buté, je n'entendais rien. Pareil au naufragé roulé par le flot, j'avais trouvé cette cage et je m'y cramponnais désespérément. Je lui ai donné la couleur pour repeindre sa cage, je le jure. D'abord, c'est lui qui me l'a demandé. Si on te demandait de te jeter à la mouline, le ferais-tu? Dit ma mère, à qui la situation faisait perdre un peu le sentiment des nuances. Mais puisque c'était pour repeindre sa cage. En voilà assez, reprit le docteur. Tu as donné à ton ami Musso, en lui disant qu'elle était sans danger, de la couleur pour repeindre sa cage, c'est entendu. Cette couleur est du verre de Schweinfurt, acéto-arsénite de cuivre, poison des plus dangereux. Est-ce que je savais, moi? Je l'espère bien. Ton ami, qui entre nous est un fameux maladroit, a avalé quelques parcelles de ce poison, et si bien fait son compte que je n'ai plus grand espoir de le sauver, là. Je reçus un coup de fouet dans les jointures. Les objets s'effacèrent devant mes yeux et je m'écroulai quand le brave homme me poussa sur une chaise. « Allons, allons. Après tout, il n'y a pas que de sa faute à cet enfant. « C'était pour repeindre sa cage. » balbutiai-je encore et je perdis connaissance. Je me retrouvai dans mon lit. Et le premier objet que je perçus fut une tasse dans laquelle ma mère remuait quelque chose avec une cuillère. Au-dessus, 2 yeux secs dont l'aspect me terrifia. « Bois !» me dit-elle. C'était très mauvais, mais je crus opportun de n'en rien dire, et je m'exécutai. « As-tu mal ?»« Oui. »« Où ?» Là, où là? Là. Je ne précisais rien, n'ayant en réalité mal nulle part, mais, après une telle catastrophe, une douleur me semblait si indispensable, si légitime, que j'eusse cru faillir en m'y soustrayant. Vu l'énormité de mon crime, elle me semblait aussi d'élémentaire prudence. On ne frappe pas l'ennemi désarmé. Veux-tu te lever? Non, j'ai mal. Eh bien, reste. Glaciale, elle se dirigea vers la porte. Je la suivis de l'œil. À l'instant de sortir, elle se retourna. Nos regards se croisèrent et je vis le sien si douloureux, si gonflé de larmes, que j'éclatai. Maman! Criai-je, « Maman !» Alors, vaincue, elle se précipita, me couvrant toute de ses bras, et moi si heureux de m'abandonner. « Oh, mon pauvre petit !» disait-elle, « mon pauvre petit, mon pauvre petit !» Je ne savais que pleurer, elle aussi. Nous restâmes longtemps mêlant nos sanglots. À la fin, elle se ressaisit. « Mon Dieu, et papa ?» Mon père était en tournée d'affaires. Je frémis à l'occasion de ce retour. Ne lui dis pas, maman, ne lui dis pas. Mais elle reprenait déjà sa plainte, doucement. Mon pauvre petit. Enfin, l'heure étant venue d'aller aux nouvelles, ma mère sortit et je restai seule. C'était donc possible, j'avais fait cela. J'avais empoisonné Musso, moi, empoisonné. J'épelais et retournais le mot dans ma tête, sans cesse, comme pour mieux me pénétrer de son sens atroce, et aussi forcer un remords que je trouvais lent. Empoisonné, le malheureux, alors que je prélassais mon inconscience dans des draps bien chauds, agonisé peut-être dans les siens, lui, ma troisième victime. J'étais brisée, la honte, le désespoir, et, faut-il le dire, aussi la crainte, battait ma faiblesse à grands coups. Je ne savais plus, je ne percevais plus, je n'existais plus. Dans le désordre de mes idées, de niaises raisons s'entrechoquaient sans que j'arrivasse à les lier. Et toutes les excuses mendiées à ma conscience étaient, au jour brutal du fait, comme des loques au soleil. J'avais empoisonné Musso. Trois grands jours durèrent. Le docteur ayant supprimé toute visite, on attendait sa venue dans un halètement. Chaque coup de sonnette était un coup de poignard. Ma mère pleurait dans les coins et j'entendais soupirer mon père à son bureau. Le pauvre homme, devant ma face bourrelée, sa colère n'avait pas tenu longtemps et ses éclats de voix s'étaient vite apaisés. Un soir, le docteur Paulin vint très tard, si tard qu'on ne l'attendait plus. Je le reconnus de loin et compris tout, à son air, mais je n'eus pas la force d'apprendre la nouvelle et me sauver. On enterra Musso le surlendemain. Je suivis le convoi, raide comme un automate. Au retour, mes dents claquaient. Il fallut me coucher et les miens s'inquiétèrent. Ensuite, courageusement, j'allai voir Madame Musso, prête à toutes les expiations. Je faillis m'évanouir au bruit du timbre, mais elle me reçut doucement et parla de son ton tranquille. Une odeur de fleurs remplissait la pièce, et quelques roses finissaient de mourir dans un vase que Georges affectionnait. J'en voulus emporter une. Madame Musso retint mon bras comme on arrête un sacrilège. Après, elle me reconduisit. Son « au revoir » tomba de haut sur ma douleur. J'en sentis le poids et je devinai que nous ne nous reverrions plus. J'entendis sur mes talons se fermer une porte qu'elle n'ouvrit plus pour personne. Recluse, elle végéta dans ses reliques et mourut inconsolée l'an d'après. J'arrête ici ce sommaire d'une enfance désormais close. À dater de ce jour, l'être expansif et batailleur que j'étais devint un adolescent vieillot, à l'âme fripée et solitaire. Assombri, je me confinais dans le silence, et s'il m'arriva parfois encore d'errer sous les ombrages, du moins la forêt du Verdon n'entendit plus mes cris. J'achevais les deux ou trois années d'études qui me restaient à faire. Puis, le temps venu de songer à l'avenir, je choisis, sans autre raison, une carrière qui m'éloignerait à tout jamais de ces lieux où, par trois fois, j'avais donné la mort. je manifestais le désir de venir à Paris et poursuivre mon droit. Et mes parents acquiescèrent.